Je vous le disais bien l'autre jour, Madame Pichon. Je vous le disais bien l'autre jour, Madame Pichon. Monsieur Boson, je vous le disais bien. Monsieur Boson, ben celui-là, c'est un drôle. Je vous dis pas ce qu'il m'a dit l'autre jour. Je vous dis pas ce qu'il m'a dit l'autre jour. En bas de la rue, je vous dis pas. Ben, puisque vous insistez, je vais vous le dire. Ah oui, dites-moi, Madame Ronchu, dites voir. Ah oui, dites-moi, Madame Ronchu, dites voir. Ce que vous savez sur le Boson. Est-ce que vous savez? Alors là, ça me tracasse. Ce que m'a dit le Boson dans la rue. Ce que m'a dit le Boson dans la rue. Ce qu'il m'a dit, il a osé. Il m'a dit comme ça en face que j'étais moche. Quel malotru celui-là s'en est un. Quel malotru celui-là s'en est un. Madame Pichon, je vous dis pas. Madame Pichon, attendez voir la suite. J'y ai dit qu'est-ce qui vous gêne Monsieur Boson. J'ai dit qu'est-ce qui vous gêne Monsieur Boson. C'est peut-être ma tête ou ma coiffure ou l'intelligence que j'ai supérieure. Mais devinez ce qu'il m'a répondu. Et devinez ce qu'il m'a répondu. C'est pas votre tête, ni votre coiffure. Non, ce qui est moche, c'est vous, c'est votre âme. Non, mais qu'est-ce qu'il en sait, celui-là, de mon âme. Non, mais qu'est-ce qu'il en sait, celui-là, de mon âme. Dans la semaine, je la sors même pas. Je la garde au frais pour dimanche à l'église. On a beau dire quand même Madame Ronchu. On a beau dire quand même Madame Ronchu. Il y en a des gens, et beaucoup trop. Il y en a des gens qui sont vraiment méchantes. Pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop p